Chapitre 6e. Il se passa près d'un mois sans aucun incident remarquable. La Maud perdit bien un peu de sa mélancolie, et la conduite de sa femme envers Adeline, quoique un peu tempérée, était encore loin de la douceur. Louis, par mille petits égards, témoignait sa croissante affection pour Adeline, qui continuait de n'y voir qu'un excès de politesse. Pendant une nuit orageuse, il arriva qu'au moment où il se préparait à se reposer, ils furent effrayés par un bruit de chevaux qui s'approchait de l'abbaye. Il fut suivi de différentes voix, et un rude coup de marteau, à la grande porte de l'abbaye, confirma leur première alarme. La Maud se croyait certain que les officiers de justice avaient enfin découvert sa retraite, et le trouble de la terreur avait presque bouleversé tous ses esprits. Il ordonna cependant d'éteindre les lumières et d'observer un profond silence, ne voulant pas négliger la plus légère précaution. Il croyait possible que les archers supposassent l'édifice inhabité et crut savoir manquer l'objet de leur recherche. Ses ordres étaient à peine exécutés qu'on heurta de nouveau et avec plus de violence. Alors la Maud s'approcha d'une petite fenêtre grillée, pratiquée dans le tambour de la porte, afin de pouvoir observer le nombre et l'apparence des étrangers. L'obscurité de la nuit contraria son dessein. Il aperçut un groupe d'hommes à cheval, mais en prêtant une oreille attentive, il distingua une partie de leur discours. Plusieurs soutenaient qu'on s'était trompé de chemin, mais une personne qui, d'après son ton de voix imposant, paraissait être leur chef, affirma que la lumière qu'ils avaient vue venait de cet endroit et garantissait qu'il y avait du monde dans l'intérieur. Après avoir parlé, il frappa encore très fort et, nulle réponse que le bruit sourd des échos, la Maud tremblait et ne pouvait faire un pas. Après avoir attendu quelque temps, les étrangers eurent l'air de délibérer. Mais ils parlaient d'une voix si basse que la Maud ne pouvait comprendre le sens de leur discours. Ils s'éloignèrent de la porte comme pour s'en aller, mais il les entendit sur le champ parmi les arbres, de l'autre côté du bâtiment, et fut bientôt convaincu qu'ils n'avaient pas quitté l'abbaye. La Maud resta quelques minutes dans la plus cruelle incertitude. Il laissa Louis à la grille pour passer dans la partie de l'édifice où il les supposait rassemblés. L'orage était bruyant, et les gémissantes bouffées qui grondaient à travers les arbres l'empêchèrent de distinguer aucun autre son. Une seule fois, pendant le silence des vents, il crut entendre distinctement des voix, mais on ne le laissa pas longtemps à ses conjectures, car de nouveaux coups à la porte l'épouvantèrent encore. Et sans songer aux frayeurs de Madame Lamotte et d'Adeline, il s'enfuit pour tenter, au moyen de la trappe, la dernière ressource qu'il avait pour se cacher. Bientôt après, les efforts des assiégeants parurent redoubler comme les secousses de la tempête. La porte, qui était vieille et dégradée, sortit de ses gonds et leur livra passage dans la salle. Au moment qu'ils entraient, un cri de Madame Lamotte, qui se tenait à la porte d'une chambre adjacente, confirma le soupçon du principal étranger, et il continua de s'avancer aussi vite que l'obscurité le lui permettait. Adeline s'était évanouie, et Madame Lamotte criait au secours quand Pierre, entrant avec des lumières, vit la salle remplie d'hommes et sa jeune maîtresse étendue sans mouvement sur le plancher. Alors un des cavaliers s'approcha et demanda pardon à Madame Lamotte de l'impolitesse de son procédé. Il allait entamer une excuse, lorsqu'apercevant Adeline, il s'empressa de la relever. Mais Louis, qui revenait en ce moment, la prit dans ses bras et pria l'étranger de s'épargner cette peine. La personne à laquelle il s'adressa portait la décoration de l'un des premiers ordres de France et avait un air de dignité qui annonçait un homme d'un rang supérieur. Il semblait avoir une quarantaine d'années. Mais peut-être la vivacité et le feu de ses traits rendaient-ils sur sa figure l'ouvrage des années moins sensible. Sans s'occuper de lui-même, il paraissait concentrer toute son attention sur les dangers d'Adeline. Son air doux et ses manières séduisantes dissipèrent par degrés les craintes de Madame Lamotte et triomphèrent du premier mouvement de Louis. Il regardait Adeline, encore insensible, avec une admiration si vive qu'elle semblait absorber toutes les facultés de son âme. C'était vraiment un objet qu'on ne pouvait contempler avec indifférence. Sa beauté, sous l'empreinte touchante de la défaillance, regagnait en intérêt ce qu'elle perdait en fraîcheur. La négligence de son vêtement délacé pour lui procurer une libre respiration découvrait les appâts éblouissants que ses tresses d'ébène, tombées avec profusion sur son sein, ombrageaient sans les cacher. Alors arrive un second étranger, un jeune chevalier qui, après avoir parlé rapidement aux plus âgés, se joignit au groupe général dont Adeline était environnée. Sa personne offrait un heureux mélange d'élégance et de force. Son port était noble, sans être fier, et la douceur la plus séduisante tempérait la vivacité de ses manières. Ce qui le rendait encore plus intéressant, c'est la compassion qu'il semblait ressentir pour Adeline. Elle ouvrit les yeux en ce moment. Il fut le premier objet qui frappa ses regards. Elle le vit s'inclinant sur elle dans une sollicitude muette. À son aspect, la rougeur d'une vive surprise éclata sur ses joues, car elle le reconnut pour l'étranger qu'elle avait rencontré dans la forêt. En voyant la chambre remplie de monde, son visage passa subitement à la pâleur de l'effroi. Louis l'aida à se transporter dans un autre appartement où les deux chevaliers qui la suivaient renouvelèrent leurs excuses pour l'alarme qu'ils avaient occasionnée. Le plus âgé, se tournant vers Madame Lamotte, lui dit « Vous ignorez sans doute, madame, que je suis le propriétaire de l'abbaye. » Elle tressaillit. « Ne vous épouvantez pas, madame, vous êtes ici en sûreté et comme chez vous. J'ai depuis longtemps abandonné cet édifice en ruine, et je suis fort heureux s'il a pu vous offrir un asile. » Madame Lamotte le remercia de son obligeance, et Louis exprima combien il était sensible à la politesse du marquis de Montalt. C'était le nom de ce noble étranger. « Ma principale résidence, dit le marquis, est dans une province éloignée, mais j'ai un château sur la lisière de la forêt. En revenant d'une promenade, la nuit m'a surpris et j'ai perdu mon chemin. Une lumière qui brillait à travers les arbres m'a attiré jusqu'ici, et l'obscurité est si forte que je ne me suis pas perçu que cette clarté venait de l'abbaye avant d'être arrivé à la porte. » Les nobles procédés des étrangers, leurs riches vêtements et surtout ce discours, achevèrent de dissiper les doutes de Madame Lamotte. Elle allait ordonner des rafraîchissements lorsque Lamotte, qui avait écouté, s'étant convaincu qu'il n'avait rien à craindre, entra dans l'appartement. Il s'approcha du marquis d'un air obligeant, mais dès qu'il essaya de parler, ses lèvres balbutièrent un compliment, tout son corps trembla et son visage se couvrit d'une pâleur mortelle. Le marquis n'était guère moins ému, et dans le premier moment de sa surprise, il porta la main sur son épée. Mais revenant sur lui-même, il la retira et tâcha de maîtriser l'expression de son visage. Il eut un moment de silence terrible. Lamotte fit quelques pas du côté de la porte, mais ses genoux tremblants refusèrent de le soutenir. Il tomba dans un fauteuil, sans voix et sans haleine. Ses regards effarés et toute sa conduite causèrent à Madame Lamotte la plus grande surprise. Ses yeux cherchaient à démêler dans ceux du marquis plus que celui-ci n'en voulait laisser apercevoir. Le regard du marquis ajoutait au mystère au lieu de l'expliquer et exprimait un mélange d'émotions qu'elle ne pouvait définir. Elle tâcha cependant de tranquilliser et de ranimer son mari, mais il rebuta ses efforts et, détournant son visage, il le couvrit de ses deux mains. Le marquis, paraissant recouvrer sa présence d'esprit, marcha vers la porte de la salle où ses gens étaient rassemblés. Alors Lamotte, s'élançant de son siège avec un air égaré, lui cria de revenir. Le marquis tourna la tête et s'arrêta, mais toujours incertain s'il avancerait. Les prières d'Adeline, qui venaient de rentrer, jointes à celles de Lamotte, le déterminèrent, et il s'assit. « Je vous prie, monseigneur, dit Lamotte, de m'accorder quelques moments d'audience particulière. » « La demande est bien hardie, et peut-être y a-t-il du danger à vous l'accorder, dit le marquis. « C'est trop exigé de moi. Vous ne pouvez rien avoir à me dire dont votre famille ne soit pas informée. Expliquez-vous en peu de mots. » Lamotte changea de couleur à chaque phrase de ce discours. « Impossible, monseigneur. Mes lèvres se fermeront pour toujours, plutôt que de prononcer devant une autre créature humaine des paroles réservées pour vous seul. Je vous conjure, je vous supplie de me donner quelques moments d'audience particulière. » En prononçant ces mots, ses yeux se gonflaient de larmes, et le marquis, touché de sa détresse, consentit à ce qu'il demandait, mais cependant avec une émotion et une répugnance manifestes. Lamotte prit une lumière et conduisit le marquis à une petite chambre dans une partie reculée du bâtiment. Ils y restèrent près d'une heure. Madame Lamotte, effrayée de la longueur de leur absence, va les chercher. En approchant d'eux, une curiosité, peut-être excusable en de pareilles circonstances, l'engage à prêter l'oreille. Justement, Lamotte s'écriait « L'égarement du désespoir !» Suivirent quelques mots prononcés à voix basse qu'elle ne put entendre. « J'ai plus souffert que je ne pourrais dire. » Continua-t-il, cette image me poursuit sans cesse, la nuit, dans mes songes, le jour, dans mes courses. Il n'est point de torture, point de mort que je ne voulusse avoir enduré pour retrouver la situation d'âme où j'étais en arrivant dans cette forêt. Je conjure de nouveau votre pitié. À un coup de vent très fort, en soufflant dans le passage où était Madame Lamotte, couvrit la voix de son époux et la réponse que lui faisait le marquis. Mais bientôt après, elle distingua ces mots. Demain, monseigneur, si vous revenez dans ces ruines, je vous conduirai à l'endroit. Cela n'est pas trop nécessaire, et pourrait être dangereux, dit le marquis. Je dois, monseigneur, excuser ces craintes venant de votre part, mais je m'engage à tout ce que vous proposerez. Oui, quelles qu'en soient les conséquences, je me soumets à tout ce que vous déciderez. Le retour de l'orage étouffa encore le son de leur voix, et madame Lamothe s'efforça en vain d'ouïr les paroles dont probablement dépendait l'explication de cette conduite mystérieuse. Ils s'approchèrent alors de la porte, et elle se retira précipitamment dans la chambre où elle avait laissé Adeline avec Louis et le jeune chevalier. Le marquis et Lamothe l'y suivirent de près. Le premier, fier et calme, le second, un peu plus tranquille qu'auparavant, mais portant encore dans ses traits une impression d'horreur. Le marquis passa dans la salle où sa suite l'attendait. L'orage n'était pas encore fini, mais il semblait impatient de s'en aller, et il ordonna à ses gens de se tenir prêts. Lamothe observait un morne silence, traversait souvent la chambre à grands pas, et quelquefois se plongeait dans la rêverie. Pendant ce temps-là, le marquis, assis auprès d'Adeline, dirigeait vers elle tous ses soins, excepté quand des accès de distraction s'emparaient de son âme, et le retenaient dans le silence. Le jeune chevalier profitait de ces intervalles pour adresser la parole à Adeline avec défiance et non sans quelque agitation. Elle se dérobait aux attentions de tous les deux. Le marquis avait passé près de 2 heures à l'abbaye, et l'orage continuant toujours, madame Lamothe lui proposa un lit. Un regard de son mari la fit frémir pour les conséquences. Cependant, on refusa son offre poliment. Le marquis témoignait autant d'empressement de partir que son hôte paraissait consterné de sa présence. Il retournait souvent dans la salle, et du seuil de la porte, il levait au ciel des regards d'impatience. On ne voyait rien dans l'obscurité de la nuit. On n'entendait rien que les mugissements de la tempête. L'aube parut avant son départ. Comme il se préparait à quitter l'abbaye, Lamothe le prit encore en particulier et eut avec lui quelques moments d'entretien secret. Madame Lamothe observait ses gestes animés d'une partie éloignée de la chambre. Ils ajoutèrent à sa curiosité un degré d'appréhension extrême. C'était pour elle une énigme inconcevable. Ils se parlaient d'une voix si basse qu'elle fit d'inutiles efforts pour distinguer les parties correspondantes de leur dialogue. Le mari et sa suite partirent enfin, et Lamothe, ayant lui-même fermé les portes, se retira dans sa chambre en silence et les yeux baissés. Lorsque sa femme fut seule avec lui, elle le conjura de lui expliquer la scène dont elle avait été témoin. « Ne me faites pas de questions, dit Lamothe, car je ne répondrai à aucune. Je vous ai déjà défendu de me parler de cela. »« Et de quoi ? Dit sa femme. Lamothe parut revenir à lui-même. « Eh bien non, je me suis trompé. Je croyais que vous m'aviez déjà fait plusieurs fois ces questions. » « Ah, dit madame Lamothe, voilà mes soupçons vérifiés. Votre ancienne mélancolie et le désordre de cette nuit proviennent de la même cause. »« Et pourquoi me suspecter ou me questionner? Serais-je donc toujours persécuté par vos conjectures ?»« Excusez-moi, je n'ai pas entendu vous persécuter, mais ma sollicitude pour votre conservation ne me permet pas de demeurer dans cette affreuse perplexité. Souffrez que j'use des droits d'une épouse et que je partage l'affliction qui vous accable. Ne me refusez pas. » Lamothe l'interrompit. « Quelle que soit la cause des émotions dont vous avez été témoin, je jure que je ne la révélerai pas à présent. Peut-être viendra-t-il un temps où je ne croirai plus nécessaire de garder le secret. Jusque-là, taisez-vous et cessez vos importunités. Gardez-vous surtout de faire remarquer à personne ce que vous avez pu voir en moi d'extraordinaire. Ensevelissez vos soupçons dans votre sein, si vous voulez détourner ma malédiction et ma ruine. » L'air de résolution dont il prononça ces mots, le visage couvert d'une pâleur livide, fit frissonner sa femme et elle n'osa répliquer. Madame Lamothe se retira pour se coucher, mais elle ne put fermer l'œil. Elle rêvait à la dernière aventure. Ses réflexions furent un aiguillon de plus à sa surprise et à sa curiosité, relativement aux discours et aux actions de son mari. Cependant, une vérité la frappait. Elle ne pouvait douter que la conduite mystérieuse de Lamothe, depuis si longtemps accablée d'inquiétude, et sa dernière scène avec le marquis, ne procédassent de la même cause. Cette opinion, qui semblait prouver combien ses soupçons sur Adeline étaient injustes, fut accompagnée du déchirement des remords. Elle soupirait impatiemment après le matin qui devait ramener le marquis à l'abbaye. À la fin, la nature fatiguée reprit ses droits et souleva ses peines par quelques moments d'oubli. Le lendemain, la famille s'assembla fort tard au déjeuner. Chacun y parut taciturne et distrait, mais leurs figures offraient des aspects bien différents. Et la différence de leurs pensées était bien plus grande encore. Lamothe paraissait agitée d'une terreur impatiente. Dans ses yeux, je ne sais quel égarement, exprimait parfois le saisissement soudain de l'horreur, et son visage se couvrait ensuite des sombres couleurs d'un morne désespoir. Madame Lamothe semblait accablée. Elle épiait tous les changements qui se passaient sur le visage de son mari et attendait avec impatience l'arrivée du marquis. Louis était calme et pensif. Adeline ne paraissait pas souffrir le moins. La nuit précédente, elle avait observé la conduite de Lamothe avec beaucoup de surprise, et la confiance qui lui avait inspirée jusqu'alors était ébranlée. Elle craignait aussi que quelques circonstances nouvelles ne le rejetât dans ce monde et qu'il ne fût impossible ou désagréable de la recevoir sous son toit. Pendant le déjeuner, Lamothe s'élança souvent à la fenêtre avec des regards inquiets. Sa femme ne comprit que trop bien le motif de son impatience et s'efforça de maîtriser la sienne. Dans ces intervalles, Louis, en parlant tout bas à son père, tâchait d'en tirer quelques lumières. Mais Lamothe revenait toujours auprès de la table où la présence d'Adeline interrompait toute question. Après le déjeuner, comme il se promenait sur l'esplanade, Louis voulut l'aborder, mais Lamothe lui déclara positivement qu'il désirait être seul, et bientôt après, le marquis n'arrivant pas encore, il s'éloigna à une plus grande distance de l'abbaye. Adeline se retira dans la chambre de travail avec Madame Lamothe, qui affectait un air d'enjouement et même d'amitié. Sentant la nécessité de donner quelques raisons de l'agitation frappante de Lamothe et de prévenir la surprise que l'apparition inattendue du marquis devait causer à Adeline, si on la lui laissait rapprocher de la conduite qu'il avait tenue la nuit précédente, Madame Lamothe dit que le marquis et son mari s'étaient beaucoup connus autrefois, et que cette rencontre imprévue, après une longue séparation et dans des circonstances aussi diverses et aussi humiliantes de la part de ce dernier, lui avait causé une émotion d'autant plus pénible qu'il se rappelait que le marquis avait mal interprété quelques parties de sa conduite envers lui, ce qui avait interrompu leur ancienne intimité. Ces motifs ne portèrent point à la conviction dans l'âme d'Adeline, car ils lui semblaient disproportionnés avec le degré d'émotion que le marquis et Lamothe avaient réciproquement manifesté. Sa surprise et sa curiosité furent éveillées par un discours dont l'intention était de leur donner le change. Madame Lamothe, poursuivant son dessein, dit qu'on attendait actuellement le marquis et qu'elle se flattait que tous les sujets de division qui pouvaient subsister encore seraient écartés par un raccommodement. Adeline rougit. Elle voulut répondre, et ses lèvres balbutièrent. Cette agitation et les regards de Madame Lamothe augmentèrent son trouble, et tous ses efforts pour le contraindre ne servirent qu'à le redoubler. Elle essaya toujours de renouveler la conversation, et toujours il lui était impossible d'assembler ses idées. Craignant que Madame Lamothe ne surprît le sentiment que jusqu'alors elle s'était presque cachée à elle-même, son visage pâlit, son œil se fixa sur la terre, et pendant quelque temps, il lui fut difficile de respirer. Madame Lamothe lui demanda si elle était incommodée. Adeline saisit ce prétexte et se retira pour se livrer à des réflexions bientôt absorbées par l'espérance de revoir le jeune chevalier qui avait accompagné le marquis. En regardant par sa fenêtre, elle vit de loin le marquis à cheval, qui s'avançait suivi de plusieurs personnes, et elle s'empressa d'en informer Madame Lamothe. Il arriva bientôt à la porte. Lamothe n'étant pas de retour, sa femme et Louis allèrent le recevoir. Il entra dans la salle, accompagné du jeune chevalier, et s'approchant de Madame Lamothe avec une sorte de politesse majestueuse, il demanda Lamothe. Louis sortit pour aller le chercher. Le marquis garda le silence pendant quelques minutes. Alors il demanda à Madame Lamothe comment se portait son aimable fille. Madame Lamothe comprit qu'il voulait parler d'Adeline. Elle répondit à la question et dit qu'elle ne lui était point parente. Le marquis ayant témoigné quelques désirs de la voir, on l'envoya quérir. Elle entra dans la chambre avec une modeste rougeur et un air timide qui parurent attirer toute son attention. Elle reçut ses compliments avec une grâce charmante, mais quand le jeune chevalier s'approcha, l'empressement de ses manières rendit involontairement les siennes plus réservées, et à peine osait-elle lever les yeux de peur de rencontrer les siens. Lamothe entra dans ce moment et s'excusa de son absence. Le marquis ne lui répondit que par une légère inclination de tête et par des regards où se peignaient à la fois l'orgueil et la défiance. Ils sortirent ensemble de l'abbaye, et le marquis fit signe à ses gens de le suivre à une certaine distance. Lamothe défendit à son fils de l'accompagner, mais Louis remarqua qu'il prenait son chemin dans le plus épais du bois. Il se perdait dans un chaos de conjectures sur cette affaire, mais sa curiosité et ses inquiétudes sur son père l'engagèrent à le suivre de loin. Cependant, le jeune étranger, que le marquis appelait du nom de Théodore, demeura à l'abbaye avec Madame Lamothe et Adeline. La première, malgré toute son adresse, ne put cacher son agitation pendant cet intervalle. Elle se tournait involontairement du côté de la porte aussitôt qu'elle entendait des pas. Souvent elle vint à celle de la salle pour regarder dans la forêt, et autant de fois elle en revint trompée dans son espoir. Personne ne paraissait. Théodore dirigeait ses attentions sur Adeline autant que la politesse lui permettait de s'écarter de madame Lamotte. Ses manières si aimables et en même temps si nobles triomphèrent insensiblement de la timidité d'Adeline et bannirent sa réserve. Sa conversation rejeta une pénible contrainte, dévoila par degrés les qualités de son âme et sembla produire une confiance mutuelle. Bientôt se manifesta une conformité de sentiments et Théodore, par la joie impatiente qui animait son visage, paraissait souvent prévenir les pensées d'Adeline. L'absence du marquis fut courte pour eux, mais bien longue pour madame Lamotte, dont les traits s'éclaircirent dès qu'elle entendit le bruit des chevaux à la porte. Le marquis se montra, mais pour un moment, il passa avec Lamotte dans une chambre particulière, où ils eurent une assez longue conférence. Après quoi il partit, Lamotte, sa femme et Adeline l'accompagnèrent jusqu'à la porte. Théodore prit congé d'Adeline avec l'expression du plus tendre regret. En s'éloignant, il tourna souvent ses regards sur l'abbaye, jusqu'à ce que les arbres lui en eussent entièrement dérobé la vue. Le rayon passager du plaisir, répandu sur les joues d'Adeline, disparut avec le jeune étranger. Il soupira en rentrant dans la salle. L'image de Théodore la poursuivit dans sa chambre. Elle se rappela exactement tous les détails de ses derniers discours, ses sentiments si conformes aux siens, ses manières engageantes, sa figure si animée, si franche et si noble, où la maldignité se mêlait à la douceur de la bienveillance. Elle se rappelait ses charmes et tant d'autres, et une douce mélancolie se glissait dans son cœur. « Je ne le reverrai plus, » dit-elle. Un soupir qui suivit lui révéla du secret de son cœur plus qu'elle n'en voulait savoir. Elle rougit, soupira de nouveau, et revenant tout à coup sur elle-même, elle s'efforça de distraire ses pensées sur un autre objet. La liaison du marquis avec Lamotte attira quelque temps son attention. Mais dans l'impossibilité d'en percer le mystère, elle chercha un asile contre ses propres réflexions dans les idées plus agréables que pouvaient lui inspirer ses livres. Pendant cet intervalle, Louis, alarmé et surpris de l'extrême consternation que son père avait manifestée à la première vue du marquis, crut devoir lui en parler. Il ne doutait point que le marquis n'eût une très grande part à l'événement qui avait forcé Lamotte à quitter Paris. Il s'expliqua sans détour, déplorant en même temps la triste fatalité qui l'avait conduit à chercher un refuge dans le lieu le moins propre à lui en servir, dans la terre de son ennemi. Lamotte ne combattit point cette opinion de son fils et se joignit à lui pour se plaindre de sa mauvaise étoile. Le congé de Louis était alors sur le point d'expirer. Il en prit l'occasion d'exprimer son chagrin d'être bientôt obligé d'abandonner son père dans une situation aussi périlleuse. « Je vous quitterai avec moins de peine, » continua-t-il, « si j'étais sûr de connaître toute l'étendue de vos infortunes. Je suis maintenant réduit à conjecturer des maux qui peut-être n'existent pas. Tirez-moi, monsieur, de cette cruelle incertitude et souffrez que je vous prouve que je suis digne de votre confiance. » « Je vous ai déjà répondu sur cet article, » dit Lamotte, « et je vous ai défendu d'y revenir. Vous me forcez à présent de vous dire que je m'inquiète fort peu quand vous partirez, si vous voulez me persécuter par de semblables questions. » Lamotte s'éloigna brusquement et laissa son fils dans la perplexité. L'arrivée du marquis avait dissipé les jalouses terreurs de madame Lamotte. Elle sentit l'injustice de sa rigueur envers Adeline. En considérant son état d'abandon, l'inaltérable affection qui avait paru dans sa conduite, la douceur, la patience avec laquelle elle avait supporté ses injurieux traitements, elle fut pénétrée et saisit la première occasion de lui rendre sa première amitié. Mais elle ne pouvait expliquer cette apparente contradiction de conduite sans trahir ses derniers soupçons, qu'elle ne se rappelait pas sans rougir, et elle ne pouvait excuser ses procédés sans amener à cet éclaircissement. Elle se contenta donc d'exprimer dans ses manières l'intérêt qui venait de renaître dans son cœur. Adeline fut d'abord très étonnée, mais elle éprouvait trop de plaisir à ce changement pour en rechercher la cause avec scrupule. Malgré la satisfaction qu'Adeline ressentit du retour de l'amitié de madame Lamotte, ses pensées se rapportaient fréquemment sur les tristes circonstances de sa situation. Elle ne pouvait s'empêcher d'avoir moins de confiance qu'auparavant dans l'affection de madame Lamotte, dont le caractère se montrait alors moins aimable que son imagination ne le lui avait présenté, et lui paraissait avoir une forte teinte de caprice. Ses réflexions s'arrêtaient sur l'arrivée du marquis à l'abbaye, sur l'aversion manifeste entre la motte et lui, et sur leurs émotions mutuelles. Enfin, ce qui la frappait d'un égal étonnement, c'est que la motte eût choisi de demeurer dans une propriété du marquis et que ce dernier lui en eût donné la permission. Peut-être son âme revenait-elle d'autant plus souvent à cet objet qu'il était lié avec Théodore, mais il se présentait sans qu'elle se doutât de l'idée qui le ramenait. L'intérêt qu'elle prenait à cette affaire, elle l'attribuait à ses inquiétudes pour la conservation de la motte et pour sa propre destinée qui se trouvait si intimement liée à la sienne. Quelquefois, à la vérité, elle se surprenait livrée à des conjectures sur le degré de liaison qu'il y avait entre Théodore et le marquis. Mais à l'instant, elle réprimait ses pensées et se reprochait sévèrement de leur avoir permis de s'égarer sur un objet qu'elle regardait comme très dangereux au repos de son cœur.